Bonjour tout le monde et bienvenue au 46e épisode de Podmodernisme. Bonne année tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Podmodernisme, la balado-diffusion qui tente de se spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Première édition de 2007, on va débuter dès maintenant avec un petit peu de hip-hop. On va avoir entre autres du Maybe Watson, du Lil Peep, du Jenga Fly. Mais avant, on va débuter avec du So-Called, avec la pièce Buys. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous rappelle mon courriel, c'est le podmodernisme, podmodernisme, @gmail.com. On débute dès maintenant avec So-Called. I'm a universalist. Yeah. I believe in the family of man. I believe in the brotherhood of man. Well, I'm curious about my neighbor. I hope he's curious about me. I sing Jewish songs. I sing in 21 languages I sing of many cultures, but I sing Jewish songs not because they are better songs than the songs of my neighbor. I sing them because they're mine. And unless I sing them, that part of the culture will vanish, and that wonderful meadow with proliferating flowers, with a profusion of flowers, will have the Jewish flower missing. That's why I sing Jewish songs. Als ihr der Mann sich in meine Kinderjahr und wir holen, wird mir alles klar. Wie seht euch durch die Balle, wo es hat geglanzt, und das Beimalle, wo sich alles verpflanzt. Oi, oi, oi, Belz, yeah, yeah, mein Städtele Belz. Mein Heimale dort, wo ich hab meine kindrische Jorn verbracht. Oublie pas d'où tu viens, man. Oi, oi, oi, Belz. Rappelle-toi des beaux jours, man. Mein Städtele Belz. On peut pas retourner, man. What? Mein Heimale dort, wo ich hab meine kindrische Jorn verbracht. Man, everybody's talking about the good old days. Every Friday night we're staying up too late. Can't get a ride from mom, so you make the whole crew wait. Bonfire, pool party, PD days and spring breaks. Running through the forest, jumping in late. We were spoiled, upper middle class, living a life of ease. Worst case scenario, yo, we're skinning our knees. I think today if I could, I would run back. But it's never the same when you try to come back. Come back, come back, come back. Rock the bells! My state, all the bells. Yeah, yeah, yeah. Mein Heimale dort, wo ich hab meine kindrische Jörnkara. Les maladies, ce qui se passe là-bas, c'est 10 fois pire de ce qui se passe ici. Ça me fait de la peine, mais ici c'est même plus. J'ai plein de problèmes, je reste fier. Some of the songs are songs of nostalgia. For a world that existed, for a world that no longer is accessible, or that no longer even is on the map anymore. Belz, Belz is a little town, a shtetl that they used to call. And the person recalls the days that he spent there as a boy. And he remembers going to the pond with the other boys, throwing stones into the pond. But now, the roof is leaky, there's no panes in the window, and everything seems gone. But what is still there is the memory. Bist du bis alt, verwachsen mit groß, der Dach zerfault, die Fenster und los. Берганік із кругом, це бой дівент, і хволо шоймер, шоймер горні терке. Ой, ой, ой, ой, Белз. Hello. Hello. Мої штей, але Белз. So called. Mein hey, male dort, wo ich hab, meine kindrische Jorn verbracht. A name rocks bells, now I'm saying. Sind ihr am Morgen wein im Bell? Mein steht an der Bell. Mein hey, male dort, wo ich hab, meine kindrische Jorn verbracht. Sigvei mein steht alle Bells, mein steht alle Bells, this is my Bells. GRC qui me veut du mal, police de quartier qui me veut du mal, Jean-François Cloutier qui me veut du mal. Les gens disent que je suis parano, mais c'est pas un défaut, c'est la peau. M'assois pour l'or, je vais pousser du haut dans l'or. Bill Clinton, on t'a bien eu. Une guérilla direct la rue, une armée accrue. On t'a déçu, salope. On achète des armes américaines. M18 dans ma Mercedes-Benz en pédaine avec mes chiennes. Engagé pour éliminer la gauche de l'UQAM, financé par ses grammes. On a fait toute cette cam. Et je remercie Monsieur Chan pour son enseignement du Kung Fu. Jingle Fly, on est trop fous. Assez-toi de mes 5 new biatch, CIA, FBI, toutes ces petites putes, step up! À la chimie, c'est ton temps pour speed rock. CIA toujours sous notre cœur, c'est comme ça. À la chimie, c'est ton temps pour speed rock. CIA toujours sous notre cœur, c'est comme ça. Quand j'ai des portes blindées, j'ai des vitres intrépidées. Micro mis sur mon escalade, l'année à bord duquel gang de lock, pis loading glock. On se pointe dans ton quartier, pis tu vois ton fuck, yo, et des singes, pit rock. J'fourre des big bucks, dollar bill, yo, c'est nous qui conseille Trump. Plus riche, qu'est-ce que vend la CIA, nous watch. Moi j'fume des cigares, pis j'me gratte la poche jusqu'au jour où j'amène piquette. En balade, commence à make out, pop des espions des arbres. Même pas le temps de me demander, c'est sûr, yeah. J'flip des arbres, pis que j'kick deux flics, yo. Donc partage sans mon gars, shoot l'autre big. 180 en arrière, stab le dernier au bic. Grand Magic qui prise de panique. Quand ça arrive, commande on des crises au plus vite. La gare est ouverte, puis on va la fermer. Yo à la Chine, c'est trop rude, vous pouvez pas messer. Comme la gold Astérix, on est invincible. CIA, GRC, c'est maintenant vous notre cible. Hey yo, mess pas, face à nous, tu tombes flat. Parce qu'on vise le top, nos portes sont les stats. Jingle Fly, on va mettre la Chine sur la map. FBI, déjà sur notre ass, espionnage et fond de tête. C'est fait top, faut que tu restes là. Y'a du fuck, vise le crâne à télé box. Fait qu'on se fait rush, on se fait un boss, top, c'est ça. La CIA rêve de nous cut, évacuation à poche. V12 sous mon hood dans mon trunk. Crack rock, speed, ash, coke ou junk. Tu connais pas les armes qui t'attendent, fais rien que bounce. Canon automatique, calibre 50. Put, fuck pas nos modes de transport. Faut te choisir en la paix pis la mort. Tu planques des mics dans mon crib pis mon char. Surveillance aérienne, satellite et radar. Vesque blanc, protection, écrité de mon père. Une meute de loup pour surveiller mon 16. Deux shots dans le bec, deux shots dans le tronc. Deux shots dans le chest, deux shots dans le neck. Pis le reste, deux shots au guest. Parmi les best, yes, mon convoy ride. Suivi d'habits en suburban sans tête. Dans le big rig, avec a flag latching on. jet. Trop sick avec des fat spats. Biquette, pas dans le chest, même shit check. L'adrénaline te rend wet. La Chine mondiale, on a des high hopes. Pression constante, mais en coke. Y'ont peut-être des guns avec des grosses coats. On a plus des hums, des tanks pis des boats. À la Chine, ouais. Ici, on dort, on se défend. S'il y a toujours sur notre cœur, c'est comme ça. À la Chine, ici, on dort. Dis-toi que la neige est une excellente raison. Le froid nous affecte tous, mais on se tient. On pèle comme groupe, puis on se plaint. C'est fait que j'ai écrit cette petite chanson pour les gens des grandes villes et des cantons. C'est fait que j'ai écrit cette petite chanson pour les gens des grandes villes et des cantons. Le snow love, it's a hustle, show off. On se shovel, on voudrait tous puddle dans le lit et puis snuggle. Le snow love, it's a hustle, show off. On se shovel, on voudrait tous puddle dans le lit et puis snuggle. Mais pauvres on déveille. Yeah, yeah, yeah, pauvres on déveille. Yeah, yeah. La neige est retombée à matin. La neige est retombée à matin. La neige est retombée à matin. La neige est retombée à matin. aime, on la neige, le zombie comprend ça. C'est vraiment son ami, le froid, on sort pas. Elle fait que le monde reste dans leur salon. Imaginez-vous un instant, être à sa place, à sa place. Tous dans le snow love, ce hustle, show off. Quand tu shovel, on voudrait tous puddle dans le lit et puis snuggle. Le snow love, faites ce hustle, show off. Quand tu shovel, on voudrait tous puddle dans le lit et puis snuggle. Faut qu'on déplaye, yeah. Faut qu'on déplaye, yeah. Faut qu'on déplaye, yeah. Le snow love, it's a hustle, show off. Quand tu shovel, on voudrait tous puddle dans le lit et puis snuggle. Le snow love, it's a hustle, show off. Quand tu shovel, on voudrait tous puddle dans le lit et puis snuggle. Mais faut qu'on déplaye, yeah. Faut qu'on déplaye, yeah. C'était Maybe Watson avec la pièce Snow Love. C'était le Zingrone Remix. Bonjour tout le monde, je m'appelle André Péloquin et vous écoutez Pas de modernisme. C'est le 46e épisode, mais le premier de l'année 2017. Un peu avant, on avait Little Pip avec Hank Williams Is My Boyfriend. Pour ceux qui apprécient ce que fait cette jeune fille, sachez que les rythmiques qui sont présentement offertes sur son MySpace ont été composées par des membres de Think About Life, dont Hank Williams Is My Boyfriend. L'instrumental vient de Graham Van Pelt. Un peu avant, on avait Jingle Fly avec CIA. L'album La Loi de la Rue est en vente au Sound Central. Et on a débuté avec So Called, c'était la pièce Buys. B-E-I-Z. Désolé si je scrappe le nom de la toune au passage, parce que je ne sais pas comment la prononcer. Suis-je assez lendemain de veille à votre goût, mesdames et messieurs? Je crois que oui. On va vous suivre de maintenant avec... on va se détendre avec un petit peu de pop. On va avoir entre autres du Final Fantasy, je sais que ça ne vient pas de Montréal ni du Québec, mais bon, le gars reprend du Maria Carré, ça vaut la peine. On va aussi avoir les chouchous Patrick Watson, Otari, mais avant la fameuse Intervention de Arcade Fire. Je ne sais pas comment vous téléchargez le podcast, mais pour avoir plus de détails sur sa programmation et sur les groupes joués, si vous voulez avoir plus de détails sur eux, leur site web, le meilleur moyen reste de passer par le blog de Podmodernisme, c'est le Podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com. On y va de maintenant avec Arcade Fire. Just say, working for the church while my mère et ta chatte de puma. Ton corps de tigresse et tes deux seins de gorilla. On s'est découvert sur la table à pique-pique. Ta chemise verte sur ton poil angora. Je t'avais montré comment dresser le couvre. Ça t'a fait rire, je n'ai jamais su pourquoi. On a lancé la slotch sur les ours polaires. Parce qu'ils s'ennuyaient du froid ou de l'hiver. On s'est rencontrés au zoo. I'll slowly turn. was woman of the day to celebrate till I will be to feel so free when you and me in the sweet luscious life for a minute of the day. You taste so sweet, you taste so sweet, oh you taste so when you walk by every night, talking sweet and looking fine, I get kinda hectic inside. Baby, I'm so into you, darling, if you only knew all the things that go through my mind. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, you come and take me so deep in my daydreams. But it's just a sweet, sweet fantasy. Diddle and diddle do, diddle and diddle do, diddle and diddle do, diddle and diddle and diddle, diddle and diddle do, diddle and diddle do, diddle and diddle do, diddle and diddle and do. Images of our love drift into me slowly as you go into my head, and my heart beats faster. Well, you take me over time and time and time again. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, you come and take me so deep in my daydreams. But it's just a sweet, sweet fantasy. Oh, diddle and diddle do, diddle and diddle. Sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, you come and take me so deep in my daydreams. But it's just a sweet, sweet fantasy. C'était Sweet Fantasy de Final Fantasy. Un peu avant, on avait Patrick Watson avec Luscious Life, Otari avec Ozu et Arcade Fire avec Intervention. C'est d'ailleurs ma dernière intervention en ce 46e Pod Modernisme. Je vous rappelle les coordonnées, podmodernisme@gmail.com, c'est le courriel, podmodernisme.blogspot.com, c'est le blog. On va se laisser avec deux pièces folk. On va avoir Nadine et les grosses têtes avec la pièce Les Vieux. Mais avant, Costard Pop Rap avec la pièce Moi et ma belle. Suggestion de sortie ce samedi 6 janvier, Gatineau à l'Escogriffe, à ne pas manquer. Ma mère aussi Merci, on m'a retiré le droit d'accès à la ville. Car j'étais le modèle des garçons et le pervertisseur des filles. Mais je garde le cœur à la fête et mes soirées en tête à tête avec ma belle. Avec ma belle bouteille de Jack Daniel's. Mais que le tout me soit servi par des déesses. Quand je mise des nuits, mon vieux, je tout. Par me tout servi, le feu. Au fond de ma cale, il m'arrive de penser à moi. Aurais-je besoin d'une compagne pour accompagner mes repas? Aurais-je besoin d'une telle, besoin d'une beauté divine? Besoin d'une créature fidèle à la démarche un peu féline? Mais je n'ai pas besoin d'une chatte. Je n'ai pas d'animaux dans les pattes avec ma belle. Sur les bancs, ça parle tout le temps que c'était mieux avant. Les vieux, ça a les cheveux blancs, ça a les cheveux bleus, ça rêve un peu tout le temps d'avant. Raison, ça vous donne des bonbons pour un oui, pour un non. Les vieux, un vieux, ça sait prendre son temps, même s'ils en ont moins maintenant. Y'a des vieux intelligents. Thank you. y'a des vieux qui ont bien d'histoires d'amour cachées. Y'en a qui vivent au jour le jour, je le sais. Y'en a un à qui j'ai osé parler. Il m'a dit tous ses secrets. Il m'a dit les vieux, y'en a pas vraiment. On est tous des enfants, même les grands-parents. Les vieux, y'en a à 20 ans, mais y'en a pas plus qu'avant.